J'ai voulu fuir ce monde, oublier les décombres laissés dans ma vie. Me cacher dans les zones d'ombre, dans la tête une colombe qui me voit et s'enfuit. Tant de folie dans ce monde, tous les jours des vies tombent derrière nos consoles, on s'ennuie. Relever quelqu'un qui tombe avant que notre vie s'effondre, on est juste là en sursis. Mal à l'aise, un signe du bout des lèvres, à peine un regard qui fuit. Et pourtant, si on était tous amis, tous les mêmes, la chaîne de la vie. Et pourtant, si on était tous les mêmes, juste le maillon qui fuit.